Yo, ok, can I be up on the mic? Big up pour mon ami Nico, big up pour le frère. Yaman, yes I, tu connais déjà. Yo, plus quoi que je sais vrai, mais je sais des faux, pour moi y'a des folles, venir qu'à péter si faux, regardez combien y'a, t'es combien couché si dos, parce que pour ça démystifier, qu'à qui vrai et qu'à qui, yo, plus quoi que je sais vrai, mais je sais des faux, pour moi y'a des folles, venir qu'à péter si faux, regardez combien y'a, t'es combien couché si dos, parce que pour ça démystifier, qu'à qui vrai et qu'à qui, en faux, tu es, mais en savent qu'un papa est mort, ni ça qui craint, tu es, et qu'à courir d'où vient la mort, à part tout si ni plein feeling, et veille en gauche et dans l'or, c'est pour péter qu'il y a aussi en bas des quais, aussi ni à bord, pas si ça qui mène le choix, les jours, fais-y, fais effort, de chez vos positions, puis vrai, c'est qu'on fait un gros corps, les ou les fesses, maman, sans papa, panique et confort. Alors c'est toujours fait en sorte que aussi ni un chant. Mon froid ça au carton si on l'esprit fait au fort. Bon, j'ai négo, moule pas ni un dieu, ni tort, ni ça qui ni pourquoi pas, ni pourquoi qu'a subi encore. Si c'est un cas contre une voix, mais ni un yako. Yo veux faire quoi que yo c'est vrai, mais yo c'est des faux. Ben moi yo veux volver, y'a qu'à péter si po. Regardez combien y'a terre, combien couché si dos, parce que force à démystifier, qu'a qui vrai et qu'a qui. Yo veux faire quoi que yo c'est vrai, mais yo c'est des faux. Ben moi yo veux volver, y'a qu'à péter si po. Regardez combien y'a terre, combien couché si dos, parce que force à démystifier. Man, la vie là pas facile pour moun. Tous les jours faut gourmer pour chimber, il faut qu'on serre les coudes. Si des mots tombent dans tout, disait vous-même t'es fouillé. Il pas dit qu'on pas tester une chance, mais qu'on pas arriver saisi. Et si vraiment qu'elle ouvre, pour le moins y'a des en sortie. C'est pas des jours où l'un des mecs est ou que tout fait dessus. Si bon, voit petit à petit, les chenons qu'il faut t'agapio. Et pour qu'on se sache tout faire pour nous repartir. Pas que tant qu'ici c'est là, il faut que saisir. Pas tant si bon monde pour faire, pas faillir compter si bon mieux. Bon, c'est bon, moi défense et courage pour y'en s'y assir. Et pour tes chachas à des bras, c'est pas pour nous repartir. Yo veux faire quoi que y'en c'est vrai, vrai, mais y'en c'est des faux. Faux, pour moi y'en revolver, y'en qu'à péter si faux. Faut regarder combien y'a, t'es combien couché si dos, parce que force à démystifier, qu'à qui veut et qu'à qui. Yo veux faire quoi que y'en c'est vrai, vrai, mais y'en c'est des faux. Faut pour moi y'en revolver, y'en qu'à péter si faux. Faut regarder combien y'a, t'es combien couché si dos. De son assis au mic, back up une poujo, presque un avion représenté. Vous savez que nous pas ni temps pour nous perdre foi. De ce mec là, nous cabinet, mais ça regarde. Ou je connais que nous pas ni temps pour nous perdre foi. Mettez ça opérationnel pour nous veiller. Mettez qu'à tourner, ou je connais ces CNC. Parce que les signes au mic, pas ni temps pour le faire. Mais je sais des faux, faux, comme un revolver, y'a qu'à péter si faux, faux, regardez combien y'a, t'es combien couché si dos, parce que force à démystifier, qu'à qui veut et qu'à qui, y'a veut faire quoi que y'a, c'est vrai, vrai, mais je sais des faux, faux, comme un revolver, y'a qu'à péter si faux, faux, regardez combien y'a, t'es combien couché si dos, parce que force à démystifier, qu'à qui veut et qu'à qui. Thank you.